voudrait que je stoppe, mais j'ai dit non, saboter ma team, c'est évident. Donc elle a fait de moi un nouvel homme, bien sur le plan, je mets la gomme. Viens t'installer près de moi, ouais, jusqu'à nouvel an. J'accompagnerai tes gestes et tous tes mouvements. T'as connu au moins les signes du mal dominant. J'en ai fait tomber des cœurs comme des dominos. Quelques nouvelles sapes, une nouvelle montre, encore un autre son sur les ondes. Et quand la basse tonne, boum boum, et dans les clubs, ça twerk, tchiki pom pom. Installez-vous confortablement, j'ai mis les gants. J'mets les gants pour faire du sale, c'est pas pour l'élégance. Je sais bien à quoi tu penses quand tu vois mes dépenses. Quand j'en vois tout le monde se demande si c'est le nouvel an. Carré VIP à l'air plein, j'atterris, mets-moi bien. Carré VIP à l'air plein, j'atterris, mets-moi bien. Le carré VIP à l'air plein, j'atterris, mets-moi bien. Carré VIP à l'air plein, j'atterris, mets-moi bien. Muggy, voilà, no. Irréprochable comme un gentleman, la marchandise est dans le cul de l'âne. Je suis un doux. Ouais, j'ai le vent, ok, mais j'en veux encore. Des sons qui coupent l'oreille à la Van Gogh. Assieds-toi, pose ton cas, vu pour des pop-corn. Je vais t'apprendre à kicker.com. Je les vois venir, ouais, je les vois toutes venir. Ils ont des carrés VIP pour vivre ce genre de vie. Regarde-les se pavaner pour ce genre de vie. Regarde-les se pavaner pour ce genre de vie. Le carré VIP. Pas l'air plein, j'atterris, mets-moi bien. Carré VIP, pas l'air plein, j'atterris, mets-moi bien. Le carré VIP, pas l'air plein, j'atterris, mets-moi bien. Carré VIP, pas l'air plein, j'atterris, mets-moi bien. Muggy, voilà, no. Et je suis rentré dans le club avec un accoutrement qui m'a coûté plusieurs milliers. Et ouais, je suis rentré dans le club avec un accoutrement qui